La famille. Avertissement. Par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Lorsque l'âme décide de s'incarner dans la matière, elle choisit parmi les opportunités d'incarnation se présentant à elle, la famille dans laquelle elle va prendre corps. Plus spécifiquement, elle va choisir la mère enceinte qui va donner naissance au corps physique qu'elle va habiter. De plus, il faut réaliser qu'en contrepartie, l'esprit de la mère va choisir l'âme qui va habiter le corps physique qu'elle porte durant la période de sa grossesse. Donc, les individus ne naissent pas dans une famille par hasard. Cela s'inscrit dans le cadre d'un scénario de vie en relation avec des âmes et des esprits. Lorsque l'humain est inconscient, son identité repose essentiellement sur des éléments extérieurs à lui de nature collective, comme son appartenance à une famille. Par contre, lorsqu'il devient conscient, son identité repose sur lui-même, c'est-à-dire son individualité. Souvent, lorsqu'il est inconscient, il peut subir des relations familiales malsaines qu'il va tolérer, car il n'aura pas suffisamment de volonté pour les modifier, s'affirmer ou de s'affranchir de ces dernières. Par contre, lorsqu'il s'éveille, il développe une conscience plus respectueuse de lui et des autres. De plus, il acquiert la force mentale et l'intelligence créative qui vont lui permettre d'ajuster aux besoins ses relations avec les membres de sa famille pour qu'elles soient plus respectueuses à son égard si elles ne le sont pas. Si ces dernières ne s'ajustent pas à lui, l'individu en processus de conscientisation peut diminuer la fréquence et la durée des rencontres avec eux. S'il juge que certaines personnes de sa famille lui grugent trop d'énergie, il va être capable de mettre fin à sa relation avec elles. Il préférera être seul que mal accompagné et sa sensibilité le rendra sélectif avec le temps. L'individu conscient sera capable de prendre ses distances à l'égard de membres de sa famille qui lui font subir de la violence physique, psychologique et psychique. Entre autres, il ne se sentira pas coupable s'il s'éloigne d'eux alors qu'il subit des mauvais traitements de leur part. Ainsi, il peut délaisser les membres de sa famille, se rapportant à la génétique de son corps physique, si ses rapports avec eux sont toxiques, pour plutôt être en relation avec des gens conscients de leur esprit, c'est-à-dire étant sur la même longueur d'onde que lui. Par conséquent, dans certains cas, des liens liés à la famille biologique trop nuisibles peuvent être remplacés par des alliances psychiques entre des individus vivant le processus de la fusion avec l'esprit. Ainsi, les alliances reposeront sur une base vibratoire plutôt que simplement biologique. Par contre, il est important ici de réaliser que l'individu conscient ne cherchera pas à mettre fin à sa relation avec les membres de sa famille si les rapports avec eux sont sains, pour se joindre à une secte ou à un regroupement qui l'exige. Agir ainsi reviendrait à délaisser un collectif pour se rallier à un autre qui cherche à englober l'individu. Ainsi, il ne mettra pas fin à des liens avec des gens de sa famille pour faire plaisir aux membres d'une organisation qui pourrait vouloir l'en séparer en vue ensuite de l'isoler et le rendre vulnérable. Plus l'individu se conscientise et moins il sera influençable par les gens de la famille ou de collectif, car il va acquérir de plus en plus une indépendance d'esprit reposant sur son individualité. Par conséquent, il sera en mesure de prendre ses distances par rapport à certains membres de sa famille qui peuvent adopter à son égard des comportements de violence physique, psychologique et psychique. Souvent, les liens malsains sont plus difficiles à défaire avec les membres de la famille que des amis. Par contre, l'individu conscient sera capable d'y mettre fin s'il lui occasionne trop de perte d'énergie en raison de sa sensibilité qui lui permet de les percevoir avec précision. Souvent, la souffrance dans les rapports familiaux pour l'individu qui vit un processus d'évolution de conscience provient du fait qu'il connaît un changement de son état mental à la différence des membres de sa famille qui ne l'expérimentent pas simultanément. Ainsi, il devient plus sensible à la différence de membres de sa famille qui ne développent pas cette sensibilité en parallèle à lui. Par conséquent, il est possible que des membres de sa famille heurtent la sensibilité de cet individu sans que ses premiers s'en rendent compte, étant donné qu'ils n'ont pas le même niveau de perception. Par conséquent, dans ce cas, l'individu qui se conscientise peut percevoir qu'ils ont des comportements astralisés et nuisibles. Par contre, eux, ils ne le voient pas, car ils n'ont pas de capacité de lecture vibratoire et ils ne perçoivent pas les vibrations derrière les formes. Ainsi, ils ne sont pas capables de percevoir le plan d'énergie astrale dont ils n'ont pas conscience de son existence, alors qu'ils sont influencés par lui, car ils n'ont pas accès consciemment au plan mental qui pourrait leur servir de point de référence pour percevoir le plan d'énergie astrale avec un recul critique. Sans un accès à la perception de la vibration mentale qui découle de la fusion avec l'esprit ayant une énergie mentale, l'énergie du plan astral ne peut pas être perçue. Ainsi, tant que l'individu ne vit pas la fusion avec l'esprit, sa perception ne peut pas être éduquée à percevoir clairement la distinction entre l'énergie astrale et mentale. Par contre, il peut faire une distinction entre ce qui vient du bas astral et qui est plus sombre, et aussi de ce qui provient du haut astral qui est plus lumineux. Dans un autre ordre d'idée, il est possible que l'individu qui devient conscient maintienne des liens avec des membres de sa famille, même s'ils sont inconscients, si ces derniers ne lui grugent pas trop d'énergie, car son but n'est pas d'exiger la perfection aux autres, ou qu'ils perçoivent des niveaux de réalité qu'ils ne perçoivent pas habituellement, comme le plan mental et astral, il ne cherche pas à mettre fin à des relations fondamentalement, mais plutôt à œuvrer pour vivre au maximum la paix dans son mental et souffrir le moins possible de l'inconscience de gens qui l'entourent. Voilà ce qui complète à présent la lecture du texte que j'ai écrit et qui porte sur la famille.